dans ma vie j'ai eu froid. Surtout ne sois pas triste. J'ai jamais eu froid comme pour toi, même dans mes nuits d'artiste. Ça fait 3 heures que je t'attends dehors, il fait -10. Moi qui ai bientôt 40 ans, on dirait que j'en ai 10. Et c'est à cause de tes yeux noisettes que je penche comme la tour de Pise. Moi qui n'en faisais qu'à ma tête, ben voilà que je me civilise. C'est vrai, dans ma vie j'ai souffert, oh surtout ne rigole pas. Moi qui marchais la tête en l'air, ben voilà que je marche la tête en bas. Je te veux quelqu'un de mais je t'attends, oh ça je peux te le dire. Je vendrais mon âme à Satan s'il te faisait venir. Je vendrais ma petite sœur, mes copains, je vendrais tous mes bouquins. C'est vrai, je vendrais-t-il le chien, ah si seulement c'était le mien. Je me parle seul à seul, je bougonne, à haute voix je m'exprime. J'ai le cœur comme un petit gonne, comme un prolo sans sa prime. Le cœur lourd comme un étranger quand il quitte son pays. Et moi qui voudrais te quitter, j'y arrive pas, tiens c'est minuit. La cathédrale, les cloches sonnent, cette journée est ta journée. Encore un jour que j'abandonne sans avoir pu te caresser. Encore un jour passé sans toi, oh ça, ça ne peut plus durer. Plus je marche, plus il fait froid et tous les cafés sont fermés. Je marche vers ton domicile, je marche comme tous mes copains. Je marche, traverse la ville, des ombres me croisent, ne me disent rien. Je marche tout en sachant déjà que jamais je ne sonnerai. Si ton mari dort dans tes bras, monter chez toi, jamais j'oserai. C'est vrai, dans ma vie j'ai eu froid, surtout ne sois pas triste. J'ai jamais eu froid comme pour toi, même dans mes nuits d'artiste. Ça fait 3 heures que je t'attends, dehors il fait -10. Moi qui ai bientôt 40 ans, on dirait que j'en ai 10.